Join me on R.I.G. R.I.G. Oh, le marché, c'est un contrôleur de Nexo. In R.I.G. 90.7. Ne cherchez plus, c'est 90.7. Ne cherchez plus. De vous retrouver ce soir. Nous sommes le 17 octobre 1984. Non, c'était pour voir si vous suiviez. Nous sommes en 2018, c'est pour vous prouver que nous sommes en direct et il est 20h passé de 1 minute. J'espère que vous allez bien. Je suis Thierry Gallet, je vous accompagne jusqu'à 22h et 2-3 minutes. Parce que je suis toujours un petit peu en retard. Et à ce moment-là, je laisserai l'antenne à Eric pour son émission Johnny de A à Z. On approche du moment où le CD sort. Le CD, c'est pas le... Ou il est déjà sorti. Bon, vous me le direz tout à l'heure, c'est pas grave. En tout cas, nous, l'album de la semaine, c'est Red Rose Speedway de Paul McCartney. Il est déjà sorti, lui. Il est sorti en 1973. On écoutera Big Bound Bed, My Love, évidemment. Little Lamb Dragonfly. J'adore cette chanson. Elle dure plus de 6 minutes. Elle est vraiment très, très bien. One More Kiss, When the Night. Et nous aurons droit au medley Hold Me Tight, Lazy Dynamite, Hands of Love et Power Cut en fin d'émission. Il y aura également du Lennon, du Harrison, du Starr et des Beatles, évidemment. Pour Lennon, ce sera Jealous Guy sur l'album Imagine. Pour Harrison, nous entendrons Let It Down sur l'album All Things Must Pass. Et pour Ringo Starr, j'ai changé. Sur Bocoups of Blues de 1970, ce sera $15 Joe. Et pour les Beatles, on remerciera les filles. Thank you, girl. Voilà pour le début. Pour le reste, je vous convie à venir sur Facebook dans le groupe La Saga des Fab Four, de façon à ce qu'on puisse discuter. C'est le petit topic qui est en haut. Vous voyez, en haut là. Non, pas celui-là, l'autre. Celui qui est en haut. Voilà. Et c'est là qu'on discute. Vous demandez à rejoindre La Saga si vous n'êtes pas encore membre de La Saga. On a plus de 700 personnes. Hein. Alors heureusement que 700 personnes ne participent pas. Ce serait un véritable capharnaüm, mais vous qui êtes là présent à 20h le mercredi soir, merci à vous. Vous qui prenez le podcast après parce que vous n'êtes pas libre le mercredi soir, merci à vous. Vous qui êtes sur 90.7, qui écoutez sur Bordeaux et sa région, merci à vous. Et tout ça, c'était pour laisser passer le générique qui vient de se terminer à l'instant. On écoute le premier titre, Big Bound Bed, extrait de l'album Red Rose Speedway. Et je vous souhaite une très très bonne soirée en notre compagnie sur RIG 90.7. sympa, le petit truc que je vous ai fait là au tout début, de mettre la fin de Ramon reprise et puis le début de Big Bang en supprimant l'intro, comme ça, au moment où il dit « Who's that coming round that corner ?» Eh bien, ça correspond à la chanson, parce que 2 ans avant, sur l'album Ram, il y a eu un petit bout de chanson, j'en avais parlé dans une autre saga. Red Rose Speedway, c'est le 2e album des Wings, paru le 30 avril 1973 aux États-Unis, le 4 mai au Royaume-Uni. Contrairement au premier disque des Wings, Wildlife, celui-ci est orné d'une photographie de son leader Paul McCartney afin de ne pas réitérer un échec commercial. C'est vrai que Wings Wildlife s'est mal vendu. Ceci dit, il y a des groupes qui auraient bien aimé vendre mal un disque de Paul McCartney à l'époque, dans les années 70. Donc l'album devait être à l'origine un double et contenir des chansons issues des séances d'enregistrement de Ram. Mais McCartney a finalement écarté un certain nombre de pistes, telles que Tragedy par exemple et d'autres, n'en gardant que neuf dans la version originale. La dernière étant un medley de 4 chansons. On l'écoutera en fin d'émission. Parmi les chansons de l'album, My Love est sorti en simple et connaît un certain succès. À sa sortie, Red Rose Speedway est bien accueilli par la critique qui y voit une amélioration par rapport à son prédécesseur. Le public est également au rendez-vous. L'album atteint la première place des charts américains et la 5e au Royaume-Uni. Dans les deux pays, il devient disque d'or. Et à noter que c'est Alan Parsons qui est l'ingénieur du son de l'album. Oui. La suite de la saga des Fab Four, c'est maintenant. Avec, je vous l'avais annoncé, John Lennon, Jealous Sky, sur le nouvel album Ultimate Imagine. Just a jealous guy. I'm just a jealous guy. Watch out, I'm just a jealous guy. Look at me, I'm just a jealous guy.

when I was blue. And eternally, I'll always be in love with you. Nous sommes en 1963, c'est la phase B de From Me To You. John et Paul avaient composé plus de 100 titres entre l'été 1957 et l'été 1962. Et pourtant, moins d'un sur dix fut enregistré. Maintenant qu'ils étaient des stars, ils ne pouvaient plus se permettre de prendre leur temps. Et chaque nouveau morceau devait avoir la qualité d'un 45 tours potentiel. Entre 63 et 65, ils publièrent un minimum de 3 45 tours et de 2 albums par an. Une production extraordinaire si on considère que dans le même temps, ils effectuaient de longues tournées, apparaissaient dans des films, répondaient à la presse et composaient leurs propres chansons. À l'époque où ils débutèrent, l'industrie du disque s'en tenait à des recettes éculées qui étaient dans son ensemble assez insipides. Les phases B des 45 tours n'étaient que des rebuts, souvent composé sous un pseudonyme par le producteur lui-même, qui assurait ainsi une part des droits d'auteur que rapportait le disque. Quant aux albums, ils s'organisaient autour de 2-3 titres phares, le reste n'étant que du remplissage. Les Beatles changèrent tout cela. Soudain, toutes les chansons comptaient. Les faces B étaient des faces A potentielles. Presque toutes les chansons des albums pouvaient sortir en 45 tours. Et les 45 tours n'étaient pas repris sur les albums. Thank You Girl, dont le titre de travail était Thank You Little Girl, devait à l'origine prendre la suite de Please Please Me avec From Me To You en face B. Cette dernière s'étant finalement imposée comme un choix de face A plus judicieux, ils inversèrent simplement l'ordre des titres. John étant au départ très fier de cette chanson, mais il déclara en 71 que c'était un truc sans prétention qu'il avait pendu un jour comme ça. Il était très très dur envers ses propres chansons, le père Lennon. Voici une chanson par contre dont Paul McCartney est fier. Il l'a chantée pour Linda évidemment. Voici My Love, extrait de l'album de la semaine, l'album Red Rose Speedway de Paul McCartney en 1973. It's in the hands of my love. And my love, does it go? When the cupboard's bare, I'll still find something there with my love. It's understood, it's everywhere with my love. never say goodbye to my love. It's understood. It's everywhere with my love. Nathalie sur Facebook précise, au concert de 2011 à Paris, Paul a dit « c'est une chanson pour les amoureux ». Elle avait adoré l'accent. C'est vrai qu'il fait l'effort au moins d'essayer de parler français et c'est adorable tout le temps. Moi je me souviens aussi du « salut les copains ». C'était sympa aussi. Les petits choux, les petits choux, mais oui.

à l'album de la semaine, l'album Red Rose Speedway, sorti en 1973 avec cette très très belle chanson, 6 minutes 20, et je vous mets au défi de ne pas faire à un moment donné la la la la la la la. Voici Little Lamb Dragonfly sur RIG.

John Lennon avec un petit coup de main de Elton John au piano sur cette chanson « Whatever Gets You Through the Night ». Il paraît que en 1974, John Lennon vivait son fameux week-end seul, week-end qui a duré quand même pas loin d'une année, et il n'y croyait plus vraiment. L'ambiance était plutôt à « je bois, je me drogue et j'ai pas le moral ». Et lorsque Elton John passait dans le studio, à ce moment-là, Elton John cartonnait dans les années 70, il lui a fait écouter les maquettes, il lui a dit « laquelle tu trouves pas mal ?» et contre toute attente, Elton John a dit « Celle-là, Whatever Gets You Through the Night, tu vas voir, ça va te faire un numéro 1. Et ça va bien marcher, j'en suis sûr. Et si ça marche, tu monteras avec moi en concert. » Il a tenu parole, Elton John, il a invité John Lennon. Et il se trouve que ce concert a permis à Yoko Ono et John Lennon de se revoir et de repartir ensemble. Après tout, pourquoi pas? Vous savez que je n'aime pas l'artiste Yoko Ono, mais le fait que John Lennon ait aimé Yoko Ono, ça ne me dérange pas, et l'inverse ne me dérange pas non plus. Nous arrivons en 1979, et l'album George Harrison, tout simplement. La chanson que je vous propose, on pensait que c'était la suite de Here Comes the Sun, puisque c'est Here Comes the Moon. Et voilà ce qu'en dit George Harrison à propos de cette chanson dans son bouquin I Me Mine. Les couchers de soleil en Hawaï sont merveilleux. On voit les baleines qui sautent par-dessus l'océan. C'est fantastique. Tout est absolument merveilleux. Et un soir, j'étais dans le coin et je voyais la pleine lune qui arrivait alors que le soleil était en train de s'en aller. Et tout ça, ça a donné Here Comes the Moon. C'était trop. Voici la chanson. Everybody's talking up a storm. Act like they don't notice it, but here it is and here it comes. Here comes the moon. Quickens when it's full. As it turns my head around me, yes it does. Here it comes. Here comes the moon. Like a little brother to the sun, or mother to the stars at night. When he is, and here he comes. He comes the moon, the moon, the moon, the moon, the moon. He comes the moon, the moon, the moon, the moon, the moon. Oh yeah. Always taking when it's new. Enhance upon the clouds around it. Yes, it is. Here it comes. Here comes the moon. Comes the moon. arms of Moon, the Moon, the Moon, the Moon, the Moon. Oh que l'album de la semaine, c'est Red Rose Speedway par Paul McCartney en 1973. Cet album est signé Paul McCartney and Wings pour que le public puisse connaître son leader. Cette impossibilité initiale ayant causé du tort au premier album du groupe. Au verso de la pochette, un message en braille à l'intention de Stevie Wonder indique « We love you ». Parmi les chansons de l'album, on l'a écouté tout à l'heure, le « My Love » dédié à l'épouse de Paul, Linda, rencontrera un vif succès. Il y a également « Lou », First Indian on the Moon, qui est un instrumental inspiré par la musique de Pink Floyd. Le texte de Little Lamb Dragonfly qu'on a écouté tout à l'heure fait référence à l'une des brebis de la ferme des McCartney. Notez que la réédition de 1993 inclut les titres High High High face A de Simon, incluse aussi The Mess et face B en live de My Love et I Lie Around, la face B de Live and Let Die. La chanson Get on the Right Thing et Little Lamb Dragonfly sont tirées de des sessions de Ram. Et oui, vous avez dit que ça aurait dû être un double album. De plus, on entendait à la fin de la reprise de Ramon les premiers vers de la pièce Big Band Band. Je vous en avais parlé dans une saga précédente et si vous étiez là en début d'émission, je vous ai fait un petit mix pour vous montrer que la chanson, c'était comme ça pour voir si ça marchait. Je trouvais que ça collait pas mal. Voici une chanson de cet album-là, Red Rose Speedway, One More Kiss sur RIG. Un petit bisou de plus, hein ? On se fait la bise. 1, 2, 3, 4. I said a foolish thing last night. I didn't think you'd take it bad, but now I'm on my way again. And just before I go, only one more kiss. kiss. Well, only one more kiss. Et nous sommes arrivés à la cover. La cover, c'est une chanson que John, Paul, Ringo, George ont chanté, que ce soit en solo ou avec les Beatles, même si eux-mêmes reprenaient une chanson de leur père comme de Little Richard par exemple, si un artiste connu, ou même vous peut-être, donc quelqu'un de moins connu on va dire, vous reprenez cette chanson-là, eh bien si c'est bien fait, de toute façon, ça peut passer en cover dans la saga des Fab Four. Là, le chanteur il est connu. Il est décédé, hélas, il y a quelques années. Et c'est un hommage aux Beatles, enfin c'est un hommage à Linda, c'était pour le concert pour Linda qu'il a chanté ça. C'est en live, c'est The Long and Winding Road, chanté par George Michael sur RIG. Long and winding road that leads to your door.

magic that you show. Oh, little darling, don't you know that the night is beautiful and yellow, and the light of the night fell on me, fell on me. Yeah, the light, la la la la la la la la la la, fell on me, yeah, fell on me. Oh, the light, la la la la la la la la la la la, fell on me, fell on me. Yes, the light fell on me, fell on me, fell on me, fell on me, fell on me, fell on me, fell on me. Got the time, the inclination, I have answered your invitation. I'll be leaving in the morning, watch me go. I don't know where the wind is blowing, got directions to where I'm going. Nothing certain, that's the only thing I know. Do it now, do it now, while the vision is clear. Do it now, while the feeling is here. If you leave it too late, it could all presque 50 ans entre les deux chansons. Nous sommes passés de 1973 à 2018, 45 ans, donc pour être exact, avec ce beau titre Do It Now, extrait de l'album Egypt Station de Paul McCartney. Allez le voir en concert, il passe le 28 novembre. Je n'y serai pas pour des raisons personnelles, mais ça vaut quand même le coup d'aller voir Paul McCartney en concert. Là, c'est en 1981, sur l'album Summer in England, George Harrison, Teardrops sur RG. Jump, do, do, do, do. I had my shirt, the crime book, it's all up. Teardrops, so hard to take, I got a soaking with those teardrops. And it feels like I have taken over from the rain. It's the same. Teardrops, doo-doo-doo-doo-doo. I've had my share of crying buckets full of teardrops, doo-doo-doo-doo-doo. So hard to take, I gotta soak in those teardrops, doo-doo-doo-doo-doo. And it feels like to reach you, in the sun. Extrait du même album, l'album blanc. Tout d'abord John Lennon avec Julia, puis Paul McCartney, Mother Nature's Son. Deux extraits qui montrent le côté romantique de John et de Paul, parce que oui, il savait être romantique aussi. Et dans une vingtaine de minutes, il y aura le romantique de la station également. Eric, pour Johnny de A à Z. Vous l'attendez avec impatience. Ça vient, promis. Nous arrivons au medley 11 minutes de bonheur. Quatre chansons qui s'entremêlent. Au début, quatre chansons. Et puis, sur la fin, les thèmes de toutes les chansons viennent... J'ai tapé le micro. Voilà, j'ai tapé le micro sans le faire exprès, en bougeant mes doigts, parce que si vous aviez la vidéo, vous comprenez que je fais des gestes en même temps. Donc, quatre chansons qui s'entremêlent à la fin. C'est absolument superbe. Voici le medley Hold Me Tight Lazy Dynamite, Hands of Love, Power Cut sur l'album Red Rose Speedway de Paul McCartney. Hold me tight. Thank you.

Nous sommes arrivés au terminus. Tout le monde descend. Et à toutes d'avoir écouté cette 388e édition de la saga des Fab Four. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres aventures. À très bientôt, et dans quelques secondes, l'incroyable Eric. À très bientôt, ciao. Yeah.